Allô, je m'appelle Reynald Gagné et j'anime l'émission Errance Reynaldienne. Hey, ça, c'est ta meilleure présentation du début d'émission! Mais, monsieur, parce que c'est certain que si c'est une présentation, c'est en début de, c'est au début de quelque chose. Oh, oh, il est quand même assez flamboyant quand même! Merci. Non, mais c'est moins con. C'est moins con que de dire la vérité. Ah! Alors, mieux vaut mentir qui vient s'apprêter ce soir à Errance Reynaldienne. Toujours. Plus on ment, puis c'est pas juste la nuit, plus long, je l'aime, celle-là. Oui, je sais. C'est comme une galoche que tu tires, puis que tu sais que ça va le temps. Le plaisir à la garocher, à l'envoyer à l'autre, là. Puis surtout la réaction, Claude Marie, hein? Faut faire attention dans ces histoires-là, là. Si tu veux t'envoyer un peu dans un autre imaginaire, bon, en blague, là, un peu lycéen, tu prends ton soulier et tu le tires sur ton voisin. Faut connaître son voisin. Et surtout savoir s'il est armé ou pas. Et là, armée, je parle pas uniquement là, d'armes à feu. Armée de patience. Parce qu'imagine, ce que vous entendez, là, c'est le vent. Le vent, le vent, le vent si charmant. Le vent me paraît si lent. Le vent pour ce soir est charmant. Oui, le vent de mon ventilateur. Tout m'inspire, hein? Voyez-vous, madame, tout m'inspire, moi. Moi, je suis comme j'allais dire une jonquille. Une quenouille, je suis comme une quenouille. J'aime ça des quenouilles, moi. Aimez-vous ça des quenouilles, madame? Qu'est-ce qu'une quenouille? Ben, c'est le copain de ma fille. Oh, vous l'appelez quenouille? Oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et puis vous? Ah oui, ah oui, brebut, ah oui, ah oui, brebut, ah oui, ah oui. Alors, la quenouille et vous? Ah, on est similaires, semblables. On se sent, on est comme dans le même brebut, dans la même brebut. Donc, c'est brebut, brebut, brebut. Oh! Connaissez-vous des méthanes? Ah oui, des méthanes, la petite. Ah, oh, la petite, elle est plus que petite. Elle n'est pas miniature, là, c'est la petite grenouille. Oui! Donc, c'est quoi la chanson? On va nous la faire. Des méthanes, donc. je fausse, mais je vais la faire au diapason. C'est pas un diapason, c'est un gazou. Si je me suis souvenu de Gazou, c'est grâce à la chanson de Jean Lapointe. Allez, Monsieur Gazou, jouez pour nous! OK, on y va. On peut même fausser au Gazou. Je l'ai monté bien trop haut. Voyons donc! Là, ce soir, en début d'émission, je me sens en forme. Là. En forme d'improvisation que j'aimerais vous lancer. Donc, je vais choisir 5 mots dans un livre que je tiens dans mes mains depuis tantôt, de Victor Lévy-Beaulieu, qui est un romancier québécois. Ah, il est québécois même. Actuellement, il est 3 pistolets. Hey, c'est de drôles de pistolets. Il marche sur la tête. Non, mais il vient de 3 pistoles. Ben, il habite à Trois-Pistoles. Je ne sais pas s'il est né là-bas, là, mais il s'est enraciné à Trois-Pistoles. Moi, quand on me dit « Ah, je suis allé à Trois-Pistoles. » »« Ah, OK. Victor Lévy-Beaulieu, c'est toujours... » Au même titre que l'île aux grues. Oh! L'île aux grues, pour moi, c'est Riopelle. Et aussi Gilles Carle. Ils étaient voisins. Puis quand on me parle de l'île aux coudes, c'est... Pierre, le grand Pierre qui a fait Pour la suite du monde, Pierre Perrault. Là, ce soir, je vais utiliser, je vais prendre un petit carton dans ma poche arrière, excusez-moi, je vais me lever la fesse. OK. Et prendre ce petit carton. Ai-je un stylo ici? Avons-nous les moyens financiers d'avoir un stylo? Un stylo? Pas un stylet, un stylo. OK, un stylo. OK, parfait. Alors, je vais piger 5 mots. Et je vous dis, je vous jure. Là, tu jures quoi? Je jure sur ma carte de CKRL. Recommence! Je jure sur ma carte de CKRL que les mots que je choisirai seront au hasard. Donc, je regarde pas et je mets le doigt sur temps. T-E-M-P-S. Bon, là, il faudrait que je mette le livre là. Temps, T-E-M-P-S. 5 mots que j'utilise, OK? Je vais baisser le micro parce que je ne vois pas très bien. Temps, T-E-M-P-S. Bon, au début, c'est douloureux parce qu'on choisit les mots, mais après, ça va bien aller. Tant, c'est à quelle page? C'est à la page 38, si vous avez l'original là, du livre. C'est la jument de la nuit. Le premier, ça s'appelle Les oncles jumeaux. Et c'est sur Stanké. Édition Stanké. Donc, ensuite, je ferme, j'ouvre, c'est à la page 87, et le mot, c'est participer. Participer. Participer. Bon. Ensuite, il en reste encore 3. Ça sera pas long. Non, non. à la page 122, c'est le mot électrique. Électrique. Électrique. Là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Là. Ça peut être épouvantable. Je peux faire un... Oui, exactement. Vous avez raison. Un bide total. Un bide, mais on va souhaiter le meilleur. Là. Page 140, le mot crinière. Bon, que ce soit au pluriel ou au singulier, c'est pas important. Là. On va mettre crinière quand même, crinière. Bon, lui, c'est au pluriel, mais je suis pas sûr que je vais le placer au pluriel quand même. Page 170, vous voyez, hein, j'ai ouvert selon une chronologie. Là. Le mot illustré. Bon, eux autres, c'est au pluriel, mais c'est pas important, comme je vous l'ai dit. Illustré. Alors, ça s'arrête là-dessus. Illustré. Illustré. OK. Illustré. OK. Bon. Alors, les cinq mots, toujours puisés dans le livre de Victor Lévy-Beaulieu, « La jument de la nuit », « Les oncles jumeaux », roman sur Stanké. Les cinq mots, 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai juste 4. Il m'en manque. Ah non, 5 avec les... OK. Alors, excusez. Je décroche le micro. J'ai les mots temps, autant, le temps qui passe, participer, électrique, crinière et illustré. On est prêt pour une belle improvisation. Ben, je me sens inspiré, moi, là. Vraiment, là, pour combien de temps? Oh, là, c'est... l'histoire nous le dira. Alors, on commence, il est minuit 18 et 55 secondes. Selon moi, là, j'ai le chronomètre rénaldien. Ça peut différer, ça dépend. Alors, on y va. Je recommence. Je vous dis les mots à partir de la fin. Illustré, crinière, électrique, participer et temps. Participer. C'est bien participer. Raymond, j'ai participé la semaine dernière. Bien sûr, j'ai dû m'inscrire rapidement parce qu'on m'avait annoncé l'événement, mais c'était limité dans le temps. Puis, écoute, je n'ai pas pu dire non, puisque ça m'électrisait. J'étais comme un champ électrique. J'étais couronné d'une certaine création qui devait se faire. Tu sais ce qui se passe dans ce milieu-là, hein? Hey, j'étais le museau en l'air, la crinière en bas, prêt à tout recevoir et à écrire en même temps. Je me suis illustré à travers le ciel, tout ce que je voulais dire. Et en même temps, les mots me sont apparus dans le firmament. Alors j'ai dit « temps »,« participer »,« électrique », »,« crinière » et « illustré ». On va en faire une autre, plus longue celle-là. OK? On va pas juste placer, on va mettre en circonstance, on va s'amuser. On ne fera pas juste, comment tu appelles ça? Oublions la technicité. Allons dans la joie et dans la récréation. OK! Puis là, ce ne sera pas le même ordre. OK. Électrique, participer, temps, crinière, illustré. OK. Ça fait combien de fois que tu dis OK? Mais là, maintenant, OK? Une autre fois! Heureusement, je ne joue pas. Vous savez, vrai ou faux, je ne sais pas quoi, tu ne dois pas le dire, ce mot-là. Bon. On recommence. Action! Hey, Raymond, je veux pas te réveiller, là, mais tu dors pas. Hey, veux-tu participer avec moi à un jeu avec Rita puis Simone? Ils nous ont invités, tu sais comment elles sont, hein? Pour une projection privée à l'Université Laval. Non, mais privée dans le sens que c'est dans une petite salle, là. Elle étudie en création littéraire? Ben oui. Ben pour un temps limité, là. En fait, c'est un cycle. C'est comme le lavage. Ça passe vite. Ça passe très vite, un cycle. Là. Puis on peut se laver. Oui, exactement. Notre compte de banque se délivre et se libère. Et voilà. T'as tout à fait raison. Mais elle m'a dit, entre les lignes comme ça, là, que c'était des films électriques. Pour ne pas dire électrisant. Elle m'a nommé Alechos Desmastes. Alechos Desmastes. Voilà, Desmastes. Et c'est un film mexicain. Pourquoi je devais aller plus loin là-dessus? Tu savais bien que c'était mexicain, là. Ça pouvait pas être cambodgien. Et en même, du même souffle, j'aime ça dire du même souffle, moi. C'est beau, hein? Et de même souffle, nous acclamons la petite... Oui, la petite chanteuse du dernier rang, Simone de Montvoir, de Nouvoir. Viens nous voir. Simone, viens nous voir. Viens nous chanter ta petite chanson. Tu t'appelles? Ben, tu l'as dit. Oui? Alors, tu es? Ben, je suis. Oui, tu es si... Si c'est facile à chanter. Non, non, mais ton prénom? Simone, tu viens de... Tu vous l'avez... Tu l'as mentionné. OK. Alors, Ali, tu fais... La chanson de... Oui, mais... Oui? Mais tu veux la chanter à ma place? Non, vas-y. Puis, hé, tu as une belle crinière en passant. Oh, merci. C'est ma maman qui me l'a fait. Oh, ça, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Autant que la chanson que je veux vous interpréter. OK, Ali. Fado. Ah, OK, c'est un fado. Non. Pardon? C'est un fado? Fado, non, c'est fado. Fado. Oui, mais tu veux faire un fado? Fado, non, c'est... Non, c'est pas fado, c'est fado. Fado, je connais pas fado. Non, c'est fa, c'est pas fé, c'est fa. Oui, mais fado, c'est du théâtre. Je fais de la chanson, pas du théâtre. OK, excusez-moi. Excuse-moi, ma petite. Alors, voici. Merci. Fais do, colamo. Non, mais c'est fado, do. Est-ce que ma chanson est bien illustrée? On voit à peine là, le schéma que tu veux emprunter. OK, je vais la faire. Do et do, des lapins, do, rayon de soleil, do. Oh, si, c'est la moitié d'un do. Fa, c'est facile à chanter. Monsieur? Oui? Est-ce que j'ai participé? Ben oui, t'as participé. Est-ce que j'ai gagné? On va se réunir, là. On va parler entre nous. OK. Ai-je utilisé les 5 mots? Ben oui, temps, participé, électrique, crinière, illustré. Oh, peut-être pas temps. Je n'ai pas le temps. Bravo! Jamais applaudir avec un micro, ça fait ça. C'est très mauvais. Il faut déposer le micro sur le socle, comme ça ici, et ensuite applaudir. Et voilà, c'est le succès. Comment ça va, mes amis? Là, j'ai commencé d'une manière un peu chambranlante. Mais en fait, c'est des façons de faire que j'adore. Sortir des sentiers battus. Puis moi, on veut même pas battre des sentiers. On veut juste les regarder, les franchir, mais les franchir qu'une seule fois pour ne pas que la pelouse, surtout que l'herbe, se tape. Donc, on veut être des défricheurs, mais tout à fait anonymes. Et là, lorsqu'on se retrouve dans les bois, moi, j'aime pas... Je sais que la majorité aime bien cueillir des champignons, mais ça peut être très, très, très dangereux si tu connais pas le champignon. Parce que, de un, moi, le champignon, moi, dis franchement, là, je te tutoie, mon ami, parce qu'on se connaît depuis belle lurette. Belle lune, la lurette, c'est aujourd'hui qu'on va cueillir champignons, gros gens, cueillir champignons tout le temps. On va marcher dans les bois, tilon, ma lurette, on va marcher sur les bois, tenter de trouver la maîtresse. La maîtresse du champignon, mon Joe. La maîtresse du champignon. On va marcher lentement, tilon là, mon Joe, la lurette. On va marcher lentement, en scrutant la verte forêt. En scrutant la verte forêt, On va se pencher vers celle-là. Et non, Dieu mon Dieu, la lurette. On va pencher devant cette affaire-là. Il me semble que c'est une déesse. Il me semble que c'est une déesse, mon Dieu. Il me semble que c'est une déesse. On va l'accueillir simplement. Et dindandia mon Dieu, la lurette. On va l'accueillir simplement en tirant la. En tirant la. En la tirant vers le ciel. En la tirant vers le ciel, mon Dieu. En la tirant vers le ciel. Elle va se cueillir tendrement, mi-ton de mon Dieu, la lurette. Elle va se cueillir tendrement et dormir sur notre panier, mon Dieu. Et dormir sur notre panier, mon Dieu. Et dormir sur notre panier, mon Dieu. J'aime pas ça, les champignons, mais je connais pas ça, puis le goût, c'est dégueulasse. C'est spongeux, tu manges pas, tu sais pas si tu manges du plastique. Okay. C'est un stack. Est-ce que c'est un sac que t'as acheté, puis que t'as fait bouillir, puis ça ramollit, puis t'as pris un moule, puis t'as coloré tout ça, puis ça ressemble à un champignon. J'aime pas ça, ça a pas de goût, puis il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, là, si c'est pas magique, ça marche pas. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de magie. Peut-être c'est... Selon moi, là, c'est du passé, comme disait Gilbert Bécaud, du passé dépassé. Vous connaissez la chanson de Gilbert Bécaud? Je ne la chanterai pas, là. Et tu es d'un passé dépassé. Dépassé, je vais la faire. Dépassé, toi. Avec Martine Sinclair. J'ai oublié le site, ma main dans le site. C'est merveilleux, ça. C'est quand notre ami Gilbert a voulu conquérir notre Martine. Celle qui chante « Ce soir, la mûre est dans tes yeux. » Ça, c'est la petite Martine Junior là, qui aimerait faire comme Martine Junior. « Moi, je peux... Monsieur? Monsieur? » Oui, on vous entend, mais frappez pas sur le micro. OK. « Est-ce que je peux avoir moins d'écho? » Oui. Monsieur, je préfère ma... Monsieur? Frappez pas sur le mot. Je préfère Céline, Martine Sinclair à Céline Dion. Oh! Oh! Ça tombe bien parce que moi aussi, je préfère Martine Sinclair à Céline Dion. Puis ce qui est intéressant dans son cursus, c'est beau le mot cursus, hein? C'est un terme qui veut dire tellement de choses. Ça veut dire, hein, c'est comme un chemin, puis même pas un chemin. Comment tu appelles ça? Non, un parchemin. C'est comme un parchemin, un cursus. Elle aurait pu être une infirmière, aider les gens malades. Puis elle l'a fait. Elle l'a fait à sa manière, en chantant, en nous embaumant. Non, embaumer. Non, moi, je ne suis pas embaumé encore. Moi, je veux rester... oui. Lorsque je serai mort, là, je ne veux pas qu'on me brûle. Je ne veux pas être... Ben, sauf que si je suis pris dans un feu, là, écoutez, je ne peux pas demander de recoller les morceaux. Là. Je ne suis pas un casse-tête. Oui, je suis simplement un casse-pied. Pas un casse-tête, mais un casse-pied. OK, ouais. Hey, madame... Madame, oui, je sais que vous attendiez après ça. Puis, oui. Ben oui. C'est le succès de l'album. Puis après ça, ça a eu un effet mondial. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas compliqué. 7, c'est chanceux. Puis vous avez entendu tout à l'heure Jalousie. Ben maintenant, le grand succès, peut-être c'est facile, mais c'est tellement plaisant à entendre. Marcia Bella. Yo.

elle a dit oui au taureau. La vache aurait dû se traire, elle aurait dû laisser mamie faire. Mamie ne voulait pas de ce taureau. Fallait écouter ses conseils au lieu de lui dire de quoi je m'amène. Elle a remis mamie à sa place. Il faut que Génisse se passe. Trop beau, c'était trop beau pour être vrai. Merci, membre de CKRL. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Monsieur Gagné? Oui. Oui. Il n'y a pas d'autre feuille que ça. Ah oui, hein, ça se peut. À quoi bon? Ah oui, c'est vrai. L'autre, c'est une page blanche. Une autre page blanche. D'autres pages blanches. Là, je vois un texte qui dit « Elle lui ouvrit la fenêtre sur une vaste aventure qui le désarticulera jusqu'à la fin de ses vies. » C'est moi qui ai écrit ça! Ah oui, oui, ça c'était une phrase pour m'envoyer plus loin, comme le chantait Jean-Pierre. Elle lui ouvrit la... Je peux pas partir parce qu'il est déjà minuit 39. Donc, je vais vous la relire. Je partirai à un autre moment donné. Non, mais moi, il n'y a pas de problème, hein? Je suis toujours prêt pour le voyage. J'ai mon sac à dos, j'ai mon laissez-passe. Non, moi, c'est un passeport. J'ai mon passeport. Prêt pour tous les pays du monde, toute la francophonie, toutes les aventures. Je suis là. Alors, elle lui ouvrit la fenêtre sur une vaste aventure qui le désarticulera jusqu'à la fin de ses vies. J'adore. J'adore aussi le sévi. Monsieur le Président! Sévi, pas... Il a sévi, là. Il a sévi avec raison. Il était en tort, Monsieur Grenier. Il avait monté 3 fois le palais de justice et il avait descendu avec des armes à feu. Et là, les pompiers le suivaient, puisqu'il était en feu avec ses armes. Ils lui ont balancé une phrase, ils lui ont dit, ils lui ont suggéré. Non, ils lui ont pas suggéré. Non. On suggère pas quand on est dans ce milieu-là, puis qu'on peut, on peut faire des victimes. Faire des victimes. Êtes-vous une victime, vous, monsieur, dans la vie? Avez-vous déjà été une victime? Ou voulez-vous être une victime? Personne veut être une victime. Sauf un vrai, là, tu sais, un vrai... Moi, je veux être une victime, nous, dans la société, moi... Si c'est, est-ce que ça peut rapporter de l'argent si on est une victime? Oui. Ben, écoute, moi, je suis victime... Oui, de? Ben, je suis victime de trop d'intelligence. Bon, un autre. Et puis? Ben, moi, ça m'empêche de plein de choses, là. Je peux pas vivre normalement. OK. Là, on est sur quelqu'un là, d'assez intéressant, fait qu'on peut pas le laisser le même. Là. On va le placer dans un coin pour pas qu'il sorte. Là. Votre nom, mon cher monsieur? Je préfère ne pas me nommer. Pourquoi? Je préfère ne pas me nommer. OK. Alors, vous êtes anonyme? Je préfère ne pas me nommer. Oui, mais si vous vous nommez pas, vous êtes anonyme? Je préfère ne pas répondre à cette question. Ben oui, mais voulez-vous parler sur votre... Oui! Allez-y. Poser des questions. Mais oui, mais votre nom? Je préfère ne pas me nommer. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça aller? Alors, vous êtes victime? Oui, je suis victime. De? De trop d'intelligence. Bon, et c'est venu comment? Ben, je dois dire, monsieur, là, en toute sincérité, là, parce que je suis pas ici pour mentir, là, sinon je veux pas prendre de la place radiophonique à des gens qui sont comme moi, ou peut-être qui ont plus de choses à dire que moi, mais c'est quand c'est arrivé comme ça, je marchais dans un champ. OK. Déjà là, c'est étrange. Ouais, mais il y a personne qui l'a vu, là. Moi, je marchais dans un champ désert. Ben oui, mais le désert, est-ce qu'il y a des amis qui vous ont vu? Non. Non, non. OK, votre nom? Je préfère ne pas me nommer. OK, bon. Non, mais des fois, il faut revenir, hein. Il peut flancher. Je ne peux pas flancher. J'étais dans un champ. Oui. Illuminé. OK. Mais là, à savoir, est-ce que c'était le champ qui était illuminé ou vous? Bonne question. Vous êtes journaliste? Non. Non, non, non, non. J'ai tous les défauts de la Terre, là, mais ça... OK. Non, j'étais là. J'étais là et j'ai été victime. OK. Donc, tout est arrivé à ce moment-là. OK. Mais là, arrêtez de dire OK. Alimentez-moi de questions. Ben oui, mais alimentez-vous. Oui, oui, oui. Mais pourquoi vous étiez là? Bonne question. J'étais là par hasard. J'errais. Oh! Oui, j'errais. En fait, j'avais une difficulté. J'avais trop mangé. Connaissez-vous ça, la bavette, vous? Ben oui. La bavette, ça, c'est la partie extérieure de l'animal. Hein? C'est la partie du bœuf, en passant. Et c'est... Non, mais il y a des gens qui vont dire c'est la poule. Là. Non, c'est pas la poule. Ça va? Oui, je suis encore en communication, moi. Je suis constamment en communication, moi. On me parle, puis je peux pas répondre, hein, parce que tout est enregistré. Oh, OK, je connais un peu votre... Ah, oh, oui, vous avez lu mon dossier. Ben oui. Ben là, non, je n'ai pas à le lire, mais je comprends. OK. Donc, j'étais dans un champ. En fait, il y a un problème digestif. Hein, j'avais mangé de la bavette, puis ça, c'est la partie de la viande la plus goûteuse du bœuf. Du bœuf. Connaissez-vous le bœuf? Ben, pas personnellement, là, mais le bœuf, l'animal. Ça va? Vous êtes quoi? Oh non, mais faut pas me contrarier, moi. Ça vient me chercher quelque chose. Monsieur, est-ce que vous pourriez-vous passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, je peux pas, moi, là. Je peux avoir, je m'en vais en communication. Avec qui? Ben, avec ceux-là qui sont venus me chercher. Oh! OK. Alors, ben écoutez, on vous souhaite une belle soirée. On a déjà dépassé le temps. Ben voyons donc, vous vouliez me parler. Oui, oui, oui, oui, mais là, c'est trop étrange, puis je voulais pas vous nommer. Non, je vais préférer l'anonymat. Ben oui, mais là, lâcher l'anonymat, il faut se fier sur quelqu'un. Si on veut faire une recherche, là. Une recherche, j'ai pas de recherche à faire, je vous le dis, moi, là, j'étais en toute sincérité. Ouais, je connais une chanson qui commence comme ça, puis ça finit très mal. Monsieur, on vous remercie infiniment, puis à la prochaine. Oui, mais non, mais c'est comme ça se passe ici. Vous êtes des... Vous nous trahissez, vous changez toutes les stratégies de notre discours. Non, non, ben non, mais non, monsieur. Écoutez, allez dans la petite pièce à côté, là, puis on va vous rencontrer, puis on fera une émission sur vous. Hein, ça serait intéressant, parce que moi, j'ai des choses à dire. Je rentre en communication avec eux autres. OK, merci. Si vous voulez... Disposer. Oui, je vais disposer. Monsieur? Oui? Ça donne-t-il un petit peu d'argent, cette affaire-là? Cette affaire-là? Ben, la radio, tu sais, moi, commercial, on connaît ça, il y a de l'argent à faire avec ça. Vous êtes sur CKRL? Oui, il y a de l'argent à faire avec ça. Oui, mais c'est pas une radio commerciale. C'est une radio? Oui, oui. Il y a des micros? Oui. On y est entendu? Oui. Y a-t-il de l'argent à faire avec ça? Ben, si vous voulez faire partager, moi, j'ai aucun problème, mais de l'argent, non. Pourquoi l'argent? Ben, c'est parce que, tu sais, dans ce milieu-là... Ben non, on est dans aucun milieu, là. Vous voulez dire ou rien dire? Ben, je veux le dire. Je veux le dire, mais pas pour rien. Ah, oh, OK. Attendez dans la petite... Regardez, là, il y a une lumière, là. Ça, c'est une petite chambrette. Rentrez dans la petite chambrette, puis vous discuterez avec notre ami. Votre ami, ça met-tu dans des affaires, des situations houleuses? Non, non, non, non, ben non, ben non. Elle s'appelle... Elle s'appelle comment? Oui, elle s'appelle Myriam. Oh, Myriam est de l'autre côté, elle! Oui, oui, oui, mais avec sa copine, là, qui s'appelle Josée. Comment? Josée. Josée, OK. Alors, je vais de l'autre côté voir Josée et sa copine, oui. Alors, ça va faire une émission à venir, ça, là? À venir, à venir. On va venir. Vous allez venir, je pense bien aussi. Ah, oh, ben, ils vont venir, oui. On fait quoi, un enterrement de vie de garçon? C'est quoi l'affaire, là? Non, mais écoutez, allez dans la petite pièce allumée, là. Hey, moi, je peux m'allumer aussi, pas besoin de pièce. Allez-y. Bon. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vos chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Non, mais c'est des gens comme ça qui viennent se goinfrer à notre micro. On peut me parler, la porte est fermée. Il est avec ses deux créatures et il divulguera sans doute son message. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement... Bon, un autre. On est-tu à la soupe au chaud, là? Non, on est à la soupe mayonnaise-cravate. Oh mon Dieu, mayonnaise-cravate. Ça, c'est pour les bureaucrates. Alors, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi, votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 20 octobre 2017. Excusez-moi, là, j'ai comme un chat dans la gorge. Je vais prendre une gorgée d'eau. En fait, j'en ai pris trois, mais j'ai encore le chat dans la gorge. C'est le poil qui dépasse. Oh, c'est ça qui fait mal, hein, c'est le poil. Alors, le vendredi 20 octobre 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre ami Sébastien Le Guen. Sébastien Le Guen est un artiste extrêmement intéressant. Il fait de la peinture et il nous offre une œuvre très, très intimiste et nous allons continuer cette rencontre que nous avons déjà amorcée le 13 octobre. Laissons-nous charmer par un être aussi intéressant que singulier. Alors, je vous le représente, Sébastien Le Guen. Bon, un autre. On est-tu à la soupe au chaud, là? Non, on est à la soupe mayonnaise-cravate. Oh mon Dieu, mayonnaise-cravate. Ça, c'est pour les bureaucrates. Alors, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi, votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 20 octobre 2017. Excusez-moi, là, j'ai comme un chat dans la gorge. Je vais prendre une gorgée d'eau. En fait, j'en ai pris trois, mais j'ai encore le chat dans la gorge. C'est le poil qui dépasse. Oh, c'est ça qui fait mal, hein, c'est le poil. Alors, le vendredi 20 octobre 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre ami Sébastien Le Guen. Sébastien Le Guen est un artiste extrêmement intéressant. Il fait de la peinture et il nous offre une œuvre très, très intimiste et nous allons continuer cette rencontre que nous avons déjà amorcée. Laissons-nous charmer par un être aussi intéressant. Alors, je vous le représente, Sébastien Le Guen. Any good? He's serious, man. You need to check him out. I got 81 rhymes with 81 Jews, an 81 room mansion, 81 food, 81 scholarship from 81 school, but I gave all 81 to 81 food. 81 thing changed with 81 ring, took 81 crowns from 81 king, did 87 shows in 81 nights, cleared 81 grand in 81 night, 81 limousines, 81 garages, 81 visas and master charges, brought 81 girls down to the knees. Sucker MC line, 81 women right up on the wall. In 81 minutes, I'll be rocking them all. Do 87 times, say 87 rhymes. Have 81 more women saying their minds on mine. Appreciate the man that I am, or else scram before you can feel the back end. And me on the mic, and you on the floor. We gonna rock two times more for sure. Little throw your hands up in the air, y'all. If you wave them like you just don't care, y'all. Fab Five is in the house, and Jean Michel is in the house. Donc, mais c'est aussi parce que je suis un artiste vivant. Hein. Ça, si j'étais crevé depuis. Ouais, mais ça peut monter la cote, mais depuis, tu peux pas profiter. Voilà. Tu peux pas t'acheter des bouteilles de rouge là, quand tu calanges. Donc, ma cote est fluctuante et mes prix sont toujours un peu fluctuants. Même si j'essaye quand même de leur donner un peu une perspective un peu positive. Hein. Mais que par contre, c'est très très dur en ce moment. Hein. C'est-à-dire que mes prix n'ont pas bougé depuis 3-4 ans. Là. Voilà. Est-ce que le tarif va à la grandeur comme les... C'est bête à dire, hein, mais moi je me réfère beaucoup à ça aussi, au temps passé, à la taille du truc, surtout au temps passé. Hein, parce que je sais que j'ai des toiles que j'ai faites en 2006-2007 qui valent plus cher. Proportionnellement à la taille, qui valent plus cher que des toiles que je fais aujourd'hui, okay. Qui me prennent beaucoup moins de temps. Ah oui, parce que les années aidant. Et puis les années aidant, elles ont pris de la bouteille. Ouais. C'est comme un bon vin. Voilà. C'est plus facile aujourd'hui qu'avant. Tu connais l'histoire de Picasso et d'une bourgeoise qui voulait se faire tirer le portrait par Picasso. Non. Et il lui dit, ben, viens me voir dans mon studio. Fait que elle se rend à son studio, elle a son petit caniche, elle prend le petit caniche, elle se place devant. Picasso prend un crayon, 3 minutes, il lui montre. Elle dit, 3 minutes, ouais, 3 minutes plus 60 ans. Ouais. Donc c'est ça, l'arriérage est important. Tu me disais que là, tu fais des toiles beaucoup plus rapidement qu'à une certaine époque. Oui, non, mais c'est aussi une histoire de d'assurance, hein? Ouais, d'assurance, mais c'est pas que ça, c'est aussi une histoire de construction. Ouais, ok. Hein, de construction de, complètement basique de ce que je veux dire, de la toile et du temps qui est passé sur cette toile et de l'investissement. Hein, est-ce que tu pars aussi personnel? Est-ce que tu pars aussi sur des courants que tu veux exploiter? Exemple, tu fais 3 portraits, comme j'ai déjà vu, là, 3 portraits de femmes avec une certaine violence vers la fin, c'est-à-dire pour brouiller un peu les pistes du portrait, tu assures, tu maltraites le portrait. Je le fais par nécessité, parce que quand je trouve les morceaux de portrait comme ça, quand j'ai fait cette série du portrait... Ah, ok, c'est une série, alors c'est une série. Je fonctionne par série, ah, ouais, ça, je fonctionne par série. Donc j'avais commencé par la série portrait, et les portraits que je trouvais, c'était des bribes d'affiches du métro métropolitain de Paris. Donc c'était des morceaux d'affiches que je décollais des métros, ouais. Et après que je recollais dans mes toiles. Mais ces bribes, elles étaient à chaque fois fragmentées. Oh oui. Oh oui. Et quand elles n'étaient pas fragmentées, moi je les fragmentais moi-même. Okay. Pour lui donner le côté vieillot, le côté arraché, le côté punk. Pour lui donner ce côté un peu punk, un peu arraché, punk, un peu... Rentre dedans. Ouais. Enfin, coloré, vécu, etc. Vécu aussi, c'est coloré, etc. Ouais. Et ça, c'était venu... C'est ça qui m'intéresse. Comment ça t'est venu, ça? Ah! Ça m'est venu, j'ai toujours collé, hein, j'ai toujours collé dans mes toiles des morceaux d'images, de trucs, de plans d'architecture, etc. Plan d'architecture, c'est par rapport à mon père qui était archi, et puis non, par rapport à mon grand-père aussi, mais bref. Comment tu colles ça, juste la technique, c'est quoi, c'est avec un crayon colle Avec un? Un crayon qui colle, là, avec un genre de crayon, ou si tu mets de la colle blanche et tu... Ah non, non, non. En tout cas, les collages? Oui. Non, les collages, je, Alors j'ai commencé à New York en fait, à décoller les affiches dans le métro. Ouais. Mais les affiches dans le métro à New York, elles sont toutes petites. Oui, c'est vrai. Donc ça me posait un problème. Ouais. Et quand je suis revenu à Paris, après un an et demi resté à New York, et à peindre là-bas et à décoller les affiches du métro, d'ailleurs j'ai eu un problème une fois avec un policier. Mais bon, ça arrive, hein. C'est, ouais. c'est considéré comme du vandalisme. Ah, donc, tu fais de la prison, non? Non. Moi, j'étais français, donc j'ai eu du bol. Ah ouais, ça, ouais. Voilà. Mais à Paris, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu la taille des affiches. Je me suis dit, putain, c'est un régal. Là. Ouais. C'est carrément le paradis du fruit. Ouais. Donc, oui, voilà. Ouais. Je me suis dit, là, je vais me faire plaisir. Ouais, je vais carrément peindre en grand. Avec des morceaux d'affiches que je vais décoller moi-même. Enfin bon, voilà. Après j'ai branché des mecs dans le métro. Ils m'en ont donné des gratuites. Enfin, des neuves. Ah, ok, je comprends. Ceux qui les collent, toi. Ceux qui les collent, bah, parce que j'avais pas envie non plus de me mettre mal avec eux. Donc déjà que la nuit je décollais certaines. Donc je voulais pas qu'ils pensent. Enfin bon, après le matin, moi j'allais les voir et je leur demandais. Je faisais un petit peu le faux cul. Je leur demandais, ouais, vous pourriez pas m'en donner des neuves et tout, machin, je peins avec ça et tout. Donc, j'ai essayé de me procurer des affiches et heureusement, j'ai réussi à m'en procurer de toutes les façons que je pouvais, en les arrachant, en les collectant. Et après, je les colle, moi, avec une colle blanche, qui est une colle pour revêtements muraux. Okay. Donc, c'est un truc très fort. Hein. C'est collé, c'est à vie, hein. C'est foutu. C'est collé, c'est collé. Et après ça, tu appliques de la gouache, quelle sorte de peinture? Alors, non, je mélange tout. Je mélange acrylique, gesso. Le gesso, c'est une sorte de pâte, pâte acrylique pour enduire les peintures. Ça donne une texture parfois. Mais même si, je suis pas attaché à la texture outre mesure, mais ça donne de la texture parfois. Mais gesso, acrylique, encre... peinture aérosol, enfin bombe aérosol. Sur une toile, tu utilises tout ça. Sur une toile, j'utilise tout ça. Là, en ce moment, je suis en train de faire des toiles. Il y a acrylique, bombe aérosol, encre et pochoir. Pochoir, et c'est tout. Et si je veux me procurer une de ces œuvres-là. Et bien sûr, affiche. Et si je veux me procurer, moi, une de ces œuvres-là, je dois envisager à peu près combien? Bah, ça dépend de la taille de... Pour l'instant, hein, si tu parles des œuvres que je suis en train de faire en ce moment, ça dépend un peu de la taille. Ça commence à 500 euros. Ça finit pas? Si, ça va jusqu'à 7-8 000. Oui, pour les plus grandes. Hein. Mais je suis très abordable, moi, comme peintre. Hein. Je suis très, très abordable. Et les gens placent... tes œuvres à quel endroit dans des... Alors ça, je vais pas chez eux pour... Ils te le disent pas? Certains me le disent, d'autres je le vois, parce que je suis allé chez eux, parce que je suis allé chez un ou deux de mes collectionneurs, donc j'ai vu où ils m'ont envoyé une photo ou un truc, c'est tu vois. Gentil, ça, hein? C'est sympa, ouais, c'est sympa. Ça me fait plaisir d'ailleurs. Est-ce que tu veux voir, toi, à quel endroit les gens privilégient ton œuvre? Non. Ah ouais, t'es pas curieux? Je leur demande pas, hein, s'ils ont envie de le mettre dans les toilettes. Et s'ils ont envie de les mettre dans les toilettes, ça peut être chouette. Ils les mettent dans les toilettes. Il n'y a pas d'endroit désacralisé. Non, exactement. Il n'y a pas d'endroit ni sacralisé, ni désacralisé, ni des. Enfin bon, dans les toilettes, c'est bon. Quoi que si c'est une toilette bourgeoise, ça peut être extrêmement. Ça peut être extrêmement bien, oui. Ça peut être. Hey, voyons. Ça dépend, ouais, ça dépend, bien sûr. Alors, quand on focus autrement, ça peut prendre toute une ampleur, son ampleur. Oui, ouais, non, mais je viens d'y penser. J'ai même un ami, là, un ami collectionneur qui a placé une très belle toile dans ses toilettes. Et on ne voit que ça, elle est très très belle. Hein. Voilà. Mais ça ne donne pas un déshonneur à l'œuvre. Ah non, pas du tout. Voilà. Non, attends, parce qu'au début, ça avait l'air un peu... Non, pas du tout. Okay. Non, je m'en fous. Je te dis, après, je pense que mes collectionneurs, ils sont peu nombreux. Parce que je ne vends pas non plus qui même me suivent, hein. À tour de bras. Mais... me mettre dans des endroits assez sympas, je pense, chez eux, je pense. Voilà, sûr. J'ai... Après, j'ai... J'ai pas mal de collectionneurs belges, suisses et tout ça. Ils sont loin, je sais pas où. La photo peut peut-être rendre voilà, compte. Voilà, ouais, on m'a envoyé 2-3 photos, c'était sympa. Bon. Ouais, c'est bon. Sympa, ouais. Est-ce que tu reconnais des gens qui achètent tes œuvres parce qu'ils reviennent Alors, il y en a qui sont revenus. Un Suisse qui est revenu, qui m'a connu par le biais d'une galerie belge et puis qui m'a gardé comme contact sur Facebook et puis qui m'a redemandé une pièce sur papier pour payer. Tu fonctionnes aux commandes aussi? Alors, pas trop, non. Okay. Pas trop, parce que les commandes, alors j'aimerais bien en avoir des commandes. Hein, ah oui? Je dis pas le contraire. Okay. J'aimerais bien en avoir. Le problème souvent avec les commandes, c'est que le commanditaire se place dans un axe toujours, enfin pas toujours. Heureusement, il y en a qui demandent des choses normales. Mais il se place toujours en chevauchement entre ce qu'il veut lui et ce que voudrait l'artiste. We'll be right back. il se place dans un rôle qui est un peu bizarre et un peu faussé, où il se prend pour l'artiste, mais il n'a pas la visibilité de faire l'œuvre. Ouais. Donc il demande à l'artiste de la faire pour lui. Donc souvent, ça demande à l'artiste de se défausser, ouais, là, par rapport à ce que lui veut et à ce que lui imagine et a comme attente. Comme vision de son travail. Le commanditaire vient un peu défausser cette vision, tu vois. Enlève le focus primal de ce que tu veux faire. Exactement. Et donc, tu te retrouves parfois à faire des commandes pour des trucs que tu soutiens pas vraiment. Enfin, tu fais ça pour le blé. Bah oui, pour le blé, oui. Bah, ça, oui. Tu fais pas ça souvent, oui. Ah bah les commandes, en général, les mecs font ça pour le blé, sinon ils ne feraient pas de commandes. Ah, hein. Ah, ouais. Faut regarder les choses en face. Si tu fais des commandes, c'est que tu es en manque de blé. Mmh. C'est pour ça que je t'ai dit au départ de ta question, j'aimerais bien avoir plus de commandes. J'aimerais bien avoir plus de commandes. Mais des commandes un peu. Je suis un peu quelqu'un de difficile, voilà. C'est-à-dire des commandes cohérentes. Dans ton style. Ou alors des commandes où on me laisserait entièrement libre. Oui. Voilà. Mais peut-être juste te dire, les couleurs, j'aimerais avoir plus de rouge, moins de. Ouais, alors bien sûr, on peut après se mettre d'accord sur les commandes. C'est pour ça. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir des commandes. Mais des commandes plus dans le style. Fais-moi un portrait de. Avec une dominante bleue, par exemple. Bon, ça, c'est une commande intéressante. Ouais. Mais. Directive, mais pas trop. Exactement, directif, mais pas trop. Parce que le commanditaire a toujours cette tendance à être vachement directif avec l'artiste. Puis il ne connaît rien. C'est-à-dire que c'est une histoire un peu de domination. Oui, okay. C'est de domination par le blé. Mmh. Donc, le commanditaire se place un peu comme un dominant. Tu vois. Ah, je voudrais que tu me fasses plus de rouge, puis plus de trucs, puis là, je voudrais qu'il ressemble à Jim Morrison, et puis là, je voudrais que ça soit comme ci, comme ça. Ah, puis non, je trouve qu'il ressemble pas assez à Jim Morrison. Ah, puis, oh là là, au bout d'un moment, ça se saoule, quoi. Ah, ouais. Des commandes... Mais non, mais c'est pas grave qu'ils connaissent rien à l'art, c'est pas grave, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème, parce que l'artiste est justement là pour les inciter à s'ouvrir à l'art justement un peu plus et à leur proposer des choses où ils vont se dire ah bah oui tiens pourquoi pas par-ci par-là et aller vagabonder par-là et voir ce que ça donne, voilà. Je pense que l'artiste a un rôle quoi dans la société mais qui est pas reconnu. Non, qui est pas reconnu. Mais pourquoi? Parce que souvent, moi, les gens me disent pourquoi j'irais acheter une œuvre d'art. Dans mes dépenses, ça va être un surplus. C'est superflu pour moi d'acheter une peinture, une œuvre d'art. Ça devrait être aussi important que d'acheter une bouteille de rouge. Une brique de lait, oui. Une baguette. Un brique de lait, oui. Ouais. Mais malheureusement, le fait est c'est que l'art reste quand même superflu. Un luxe. T'as besoin d'un brique de lait, t'as besoin d'œufs, t'as besoin de deux, pardon, t'as besoin de viande, t'as besoin de trucs, t'as besoin de vêtements. Ouais, de vêtements, tu veux pas sortir à poil de chez toi, non. Etc. Une œuvre d'art, une peinture, c'est pas fondamental, hein. C'est un extra, c'est superflu. C'est les mecs qui s'achètent des peintures ont une conscience. Une conscience de quoi, ça je sais pas, mais une conscience de enfin une implication en tout cas, une implication certaine, voilà. J'ai 10 questions et j'ai hâte d'avoir savoir nominer. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Du lait d'amande, je sais pas. Ah oui. Si tu étais une ville. Amsterdam. Ah ouais. Ouais. Encore aujourd'hui? Ouf. Non, disons. Ouais, Amsterdam avant la légalisation du cannabis, ouais, peut-être. Ouais. Mais en même temps, je comprends. Hein. C'est quand même assez épouvantable de voir des touristes qui vont là juste pour fumer des. Oui, voilà, oui, oui, oui, oui. Tu peux faire ça dans ton salon. Pour exactement. Exactement. Si tu veux, si tu étais une langue. Une? Langue. Une langue? Italien. Ah ça, oui? C'est beau. Genre, je connais absolument aucun mot d'italien, mais je trouve ça tellement chantant. Ou le portugais. Hein. Et l'italien est totalement belle. Voilà, en plus. Ou le portugais, je te dis, le portugais, c'est tellement beau aussi. Si tu étais une époque. Oh, le 17e, à cause des... à cause de l'époque galante. Ah ouais, ouais, okay. On l'a oublié, je crois, cette époque-là. Hein? Si tu étais un mot. Un mot? Ah, j'ai pas de mot, là. Non, j'ai pas de mot. Si tu es sans mot. Non, sans mot. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Une carotte. Ah oui? Ouais. Nous avons un magasin bio chez nous. Ils ont une carotte ça. Bio, voilà. Non, la carotte joyeuse. Ils ont appelé la carotte joyeuse. C'est super. C'est bon, oui. Ah, c'est extraordinaire. Si tu étais une saison. Oh, le printemps. Parce que tout renaît, donc le créateur. Exactement, ouais. Exactement. C'était une belle saison. C'est, si tu étais un membre corporel. Oh, un bras armé. Armé de patience. Oui, armé à tous les points de vue. Armé de patience, armé tout court, armé de... Armé d'amour, à pas beaucoup. Ouais, ouais, ouais, ouais, si voilà. Un bras, ça peut être armé, voilà, oh, c'est oui, tout. Oui. Thank you. goes to work every day after day. She just goes to work just to earn her pay. Child city crime fighting life is harder. He doesn't even know who is his father. We'll be right back. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Barnier. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Well, I rubbed up just relaxing in the tub. Thinking everything was all right. You know, I stepped out the tub, I put my feet on the floor. I wrapped the towel around me, then I opened the door and splish, splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was the party going on? It was a splishing and a splashing, feeling the feeling. Who ran and I grew and then we sang somewhere beyond the sea. Somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. It's far beyond the stars. As sweet a young thing as you find. And both her parents had gone to their final reward, leaving little Annie behind. You made some artificial flowers. She made artificial flowers. Flowers for ladies of society to wear. She made artificial flowers. You know those cavern down by canyon, excavating for a mine where there dwelt a miner from South Carolina and his daughter, Chubby Clementine. One more one, oh my darling, oh my darling, oh my darling. Too much of an audience. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Valentine's Day. Is your figure less than ancient Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Hey! L'apéro, hein. L'apéro, même si j'en prends plus trop, ça m'intéresse pas. Ah ouais? Non. T'as comme fait, mais c'est un moment de la journée qui est charnière. On passe entre le jour et la nuit, tu vois. Est-ce que c'est là que tu commences à créer? Et j'aime bien la nuit, j'aime bien le matin, j'aime bien plein de moments dans la journée, mais j'aime bien ce moment charnière là. Est-ce que tu crées n'importe quand? J'aime bien les moments charnières en général. Hein. Même dans la création, même dans. Tout ce qui est charnière comme ça, c'est l'articulation de deux choses, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. C'est créatif. Ah ouais, c'est... Si tu étais un autre individu? Eh ben... C'est marrant ça, parce que quand j'étais gamin, je me disais toujours, mais si j'étais ce machin là, ou si j'étais truc, peut-être que la vie serait plus facile pour moi et tout. Parce que quand j'étais gamin, j'étais pas heureux, j'étais pas content. Enfin, pas que j'étais pas heureux, mais j'étais pas content. Voilà. Et je suis pas satisfait. Si je pouvais être quelqu'un d'autre, je dirais juste l'autre. Okay. Parce que je me suis souvent posé cette question quand j'étais petit. Tiens, et si je vivais sa vie à lui, là, ouais. Ce serait peut-être plus simple. Quand on connaît pas, Même si j'ai eu une vie assez dorée, hein, ouais. Une enfance assez cool, heureuse, ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Alors je dirais oui, mais avec des réserves. Hein. Des trucs à changer. Ah oui, comme dans tout. Hein. Processus. Comme dans tout, il y a des choses à changer, il y a des choses à peaufiner, à améliorer, à affiner. Ouais. Moi je me sens encore trop brouillon, quoi. Même si dans mon travail je commence à être de plus en plus clair, vraiment. Enfin à savoir ce que tu veux. À savoir ce que je veux et à décliner série après série des tentatives de poser des choses esthétiquement et picturalement. Avant de terminer, est-ce que tu envisages un autre mouvement? Pas du tout. Tu continues dans cette même pas du tout. Pour l'instant, moi, je vis le jour, vraiment, présent. Je pense pas trop à l'avenir. Volontairement? Pour pas te mettre de volontairement, pression? Volontairement. Après, dans mon travail, même dans mon travail, je pense pas trop. Je fonctionne beaucoup au tableau, le tableau, au jour le jour, à l'instant, l'instant. Je sais qu'en ce moment, je suis dans ce qu'on appelle le bad painting. Ouais. Donc le bad painting, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 aux États-Unis. Le plus célèbre était Jean-Michel Basquiat. pour l'instant, on peut me placer là, on peut me placer dans le bad painting. Et je ne me vois pas en changer beaucoup. Depuis maintenant, peut-être 10 ans, la silhouette fait partie de mon panthéon et de mon travail, comme ça, et je pense que ça va encore rester longtemps. Parce que tu sens encore beaucoup de choses à dire dans ce là-dessus, style-là. Là-dessus, oui. Mais c'est quand même un style qui laisse plein d'espace, plein mais, de... Oui, bien sûr. Tu peux faire une vie là-dessus. Mais sans y penser, je me laisse l'ouverture d'y aller sans problème. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter de bien dans les années qui viennent, de faire de faire un peu plus d'argent? Oh, bah écoute, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc c'est sûr. Ouais, hein, C'est l'esclavagisme aussi, l'argent. Oui, bah puis ça rend pas forcément plus heureux. Hein. Non. On est d'accord. Mais donc non, si tu pouvais me souhaiter quelque chose, ce serait pas de l'argent. C'est de rester toi-même. De rester productif et travailleur. Est-ce que en avançant dans la notoriété, parce qu'on commence à... Ouais, je suis pas très connu, hein, je suis connu dans le microcosme underground un peu. Peut-être la meilleure façon. Ouais, peut-être, mais voilà, je me suis rendu compte à 2-3 reprises, très peu de fois, que voilà, dans le microcosme artistico, picturalo, machin. Les gens savaient qui j'étais, mais ça reste un noyau très concentré et très concentrique de ma notoriété qui est très très faible. Mais on gagne à te connaître. Ah, merci. Ben écoute, t'as tellement à dire, ce serait imbécile de s'en priver. Ben merci, c'est super. Donc merci d'avoir accepté, surtout. Non, c'est moi, merci de m'avoir contacté pour cette interview. Puis écoute, je vais te laisser la bande originale, tu vas recevoir la bande originale, t'en fais ce que t'en veux. Si tu prépares un site personnel, tu peux le placer là. D'accord, j'ai mon site, hein, mais je sais pas comment on peut le placer dessus, je vais demander. T'en fais ce que tu veux et tu vas l'avoir aussi dans le cadre de mon émission, qui est une émission comme un peu ton art, qui où je mêle l'extravagance langagière, l'improvisation et l'absurde. Donc, super. Ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Ben, je sais. C'est pour ça que je voyais qu'on avait quelque chose à se dire et surtout à te faire connaître au Québec. Ouais, ben parce ça. Toi, tu vas en Belgique, en Suisse, mais le Québec. Instinctivement, j'aime beaucoup le Québec et Montréal le Québec, même si j'y suis jamais allé. Mais t'étais pas loin New York. J'étais pas loin New York. T'as comme embrassé le Québec. Exactement, j'étais pas loin. Mais j'ai l'impression que ce sont des gens et des habitants très très très intéressants. Ben, écoute, les Québécois et les. Tu en auras des échos, donc. J'aimerais. Ouais, c'est un pays où j'aimerais bien aller pour avoir connu New York et pour qu'on m'ait dit le Québec n'est pas loin et ils sont pas si loin de cette mentalité-là. Et puis nous sommes francophones, donc encore. En plus francophone. La tête hors de l'eau avec la petite affiche chez nous. Est-ce que je peux prendre des photos pour le site? Et... Ouais, bien sûr. Okay, parfait. 1, 2, 3, 4. Baby, you did it wrong. Oh, darling, you did it wrong. I know that I am dead on. When I say you don't know me, you did it wrong. Though it's just the two of us on the street. You know a man like me means you no harm. I just got something to say. Hopefully something that'll brighten up your day. Let me get it out and I'll move on. Even though I don't look far, I still got my heart. Person too, even though you might not think it's true, dead wrong. Yeah, you're dead wrong. Whoa, you're dead wrong. Yeah, you're dead wrong. Yeah, I know it might be a scary sight, to a bunch of us at night. You might think we're all fucked up high. Surprise, I don't got that rock in my eyes. But I do have a song to sing, a story to tell, a dream of diamond things. But until God truly decides, I guess I'm stuck in hard times. I know that I'm okay, so long as I stay brave. I ain't asking to be saved, I'm just saying tough life this way. Baby, you did wrong. Oh, darling, you did wrong. I know that I am dead on. When I say you don't know me, you did wrong.